Anatole France, le livre de mon ami. Premier chapitre. Première conquête. Les monstres. Les personnes qui m'ont dit ne se rien rappeler des premières années de leur enfance m'ont beaucoup surpris. Pour moi, j'ai gardé de vifs souvenirs du temps où j'étais un très petit enfant. Ce sont, il est vrai, des images isolées, mais qui, par cela même, ne se détachent qu'avec plus d'éclat sur un fond obscur et mystérieux. Bien que je sois encore assez éloignée de la vieillesse, ces souvenirs que j'aime tant me semblent venir d'un passé infiniment profond. Je me figure qu'alors le monde était dans sa magnifique nouveauté et tout revêtu de fraîches couleurs. Si j'étais un sauvage, je croirais le monde aussi jeune, ou si vous voulez, aussi vieux que moi. Mais j'ai le malheur de n'être point un sauvage. J'ai lu beaucoup de livres sur l'antiquité de la terre et l'origine des espèces, et je mesure avec mélancolie la courte durée des individus à la longue durée des races. Je sais donc qu'il n'y a pas très longtemps que j'avais mon lit à galerie dans une grande chambre d'un vieil hôtel fort déchu qui a été démoli depuis pour faire place au bâtiment neuf de l'école des Beaux-Arts. C'est là qu'habitait mon père, modeste médecin et grand collectionneur de curiosités naturelles. Qui est-ce qui dit que les enfants n'ont pas de mémoire? Je la vois encore, cette chambre, avec son papier vert à ramages et une jolie gravure en couleur qui représentait, comme je l'ai su depuis, Virginie traversant dans les bras de Paul le gué de la rivière Noire. Il m'arriva dans cette chambre des aventures extraordinaires. J'y avais, comme j'ai dit, un petit lit à galerie qui restait tous les jours dans un coin et que ma mère plaçait chaque nuit au milieu de la chambre, sans doute pour le rapprocher du sien, dont les rideaux immenses me remplissaient de crainte et d'admiration. C'était toute une affaire de me coucher. Il y fallait des supplications, des larmes, des embrassements. Et ce n'était pas tout. Je m'échappais en chemise et je sautais comme un lapin. Ma mère me rattrapait sous un meuble pour me mettre au lit. C'était très gai. Mais à peine étais-je couchée que des personnages tout à fait étrangers à ma famille se mettaient à défiler autour de moi. Ils avaient des nez en bec de cigogne, des moustaches hérissées, des ventres pointus et des jambes comme des pattes de coq. Ils se montraient de profil, avec un œil rond au milieu de la joue, et défilaient, portant balai, broches, guitares, seringues et quelques instruments inconnus. Laids comme ils étaient, ils n'auraient pas dû se montrer. Mais je dois leur rendre une justice. Ils se coulaient sans bruit, le long du mur, et aucun d'eux, pas même le plus petit et le dernier, qui avait un soufflet au derrière, ne fit jamais un pas vers mon lit. Une force les retenait visiblement au mur, le long desquels ils glissaient sans présenter une épaisseur appréciable. Cela me rassurait un peu. D'ailleurs, je veillais. Ce n'est pas en pareille compagnie, vous pensez bien, qu'on ferme l'œil. Je tenais mes yeux ouverts. Et pourtant, cela est un autre prodige. Je me retrouvais tout à coup dans la chambre pleine de soleil, n'y voyant que ma mère en peignoir rose et ne sachant pas du tout comment la nuit et les monstres s'en étaient allés. « Quel dormeur tu fais !» disait ma mère en riant. Il fallait en effet que je fusse un fameux dormeur. Hier, en flânant sur les quais, je vis dans la boutique d'un marchand de gravures un de ces cahiers de grotesques dans lesquels le Lorrain Callot exerça sa pointe fine et dure et qui se sont fait rares. Au temps de mon enfance, une marchande d'estampes, la mère Mignot, notre voisine, en tapissait tout un mur et je les regardais chaque jour en allant à la promenade et en revenant. Je nourrissais mes yeux de ces monstres et quand j'étais couchée dans mon petit lit à galerie, je les revoyais sans avoir l'esprit de les reconnaître. « Oh, magie de Jacques Callot !» Le petit cahier que je feuilletais réveilla en moi tout un monde évanoui et je sentis s'élever dans mon âme comme une poussière embaumée au milieu de laquelle passaient des ombres chéries. Fin du chapitre 1 « Les monstres » du livre de mon ami d'Anatole France. Anatole France, le livre de mon ami, chapitre 2. La dame en blanc. En ce temps-là, deux dames habitaient la même maison que nous. Deux dames vêtues, l'une tout de blanc, l'autre tout de noir. Ne me demandez pas si elles étaient jeunes. Cela passait ma connaissance. Mais je sais qu'elles sentaient bon et qu'elles avaient toutes sortes de délicatesses. Ma mère, fort occupée et qui n'aimait pas avoisiner, n'allait guère chez elle. Mais j'y allais souvent, moi, surtout à l'heure du goûter, parce que la dame en noir me donnait des gâteaux. Donc je faisais seule mes visites. Il fallait traverser la cour. Ma mère me surveillait de sa fenêtre et frappait sur les vitres quand je m'oubliais trop longtemps à contempler le cocher qui pansait ses chevaux. C'était tout un travail de monter l'escalier à rampe de fer dont les hauts degrés n'avaient point été faits pour mes petites jambes. J'étais bien payée de ma peine dès que j'entrais dans la chambre des dames, car il y avait là mille choses qui me plongeaient dans l'extase. Mais rien n'égalait les deux magots de porcelaine qui se tenaient assis sur la cheminée de chaque côté de la pendule. D'eux-mêmes, ils hochaient la tête et tiraient la langue. J'appris qu'ils venaient de Chine et je me promis d'y aller. La difficulté était de m'y faire conduire par ma bonne. J'avais acquis la certitude que la Chine était derrière l'Arc de Triomphe, mais je ne trouvais jamais moyen de pousser jusque-là. Il y avait aussi, dans la chambre des dames, un tapis à fleurs sur lequel je me roulais avec délice, et un petit canapé doux et profond dont je faisais tantôt un bateau, tantôt un cheval ou une voiture. La dame en noir, un peu grasse, je crois, était très douce et ne me grondait jamais. La dame en blanc avait ses impatiences et ses brusqueries, mais elle riait si joliment. Nous faisions bon ménage tous les trois, et j'avais arrangé dans ma tête qu'il ne viendrait jamais que moi dans la chambre au magot. La dame en blanc, à qui je fis part de cette décision, se moqua bien un peu de moi, à ce qu'il me sembla, mais j'insistai, et elle me promit tout ce que je voulus. Elle promit. Un jour pourtant, je trouvai un monsieur assis dans mon canapé, les pieds sur mon tapis, et causant avec mes dames d'un air satisfait. Il leur donna même une lettre qu'elles lui rendirent après l'avoir lue. Cela me déplut, et je demandai de l'eau sucrée, parce que j'avais soif, et aussi pour qu'on fît attention à moi. En effet, le monsieur me regarda. « C'est un petit voisin, » dit la dame en noir. « Sa mère n'a que celui-là, n'est-il pas vrai ?» reprit le monsieur. « Il est vrai, » dit la dame en blanc. « Mais qu'est-ce qui vous fait croire cela ?»« C'est qu'il a l'air d'un enfant bien gâté, » reprit le monsieur. « Il est indiscret et curieux. » En ce moment, il ouvre des yeux comme des portes cochères. C'était pour le mieux voir. Je ne veux pas me flatter, mais je compris admirablement, après la conversation, que la dame en blanc avait un mari, qui était quelque chose dans un pays lointain, que le visiteur apportait une lettre de ce mari, qu'on le remerciait de son obligeance et qu'on le félicitait d'avoir été nommé premier secrétaire. Tout cela ne me contenta pas, et en m'en allant, je refusai d'embrasser la dame en blanc pour la punir. Ce jour-là, au dîner, je demandai à mon père ce que c'était qu'un secrétaire. Mon père ne me répondit point, et ma mère me dit que c'était un petit meuble dans lequel on range des papiers. Conçoit-on cela ? On me coucha, et les monstres, avec un œil au milieu de la joue, défilèrent autour de mon lit en faisant plus de grimaces que jamais. Si vous croyez que je pensais le lendemain au monsieur que j'avais trouvé chez la dame en blanc, vous vous trompez. Car je l'avais oublié de tout cœur, et il n'eût tenu qu'à lui d'être à jamais effacé de ma mémoire. Mais il eut l'audace de se représenter chez mes deux amis. Je ne sais si ce fut 10 jours ou 10 ans après ma première visite. J'incline à croire aujourd'hui que ce fut 10 jours. Il était étonnant, ce monsieur, de prendre ainsi ma place. Je l'examinai cette fois et ne lui trouvai rien d'agréable. Il avait des cheveux très brillants, des moustaches noires, des favoris noirs, un menton rasé avec une fossette au milieu, la taille fine, de beaux habits et sur tout cela, un air de contentement. Il parlait du cabinet du ministre des Affaires étrangères, des pièces de théâtre, des modes et des livres nouveaux, des soirées et des bals dans lesquels il avait vainement cherché ses dames. Et elle l'écoutait. Était-ce une conversation, cela? Et ne pouvait-il parler comme faisait avec moi la dame en noir du pays où les montagnes sont en caramel et les rivières en limonade? Quand il fut parti, la dame en noir dit que c'était un jeune homme charmant. Je dis, moi, qu'il était vieux et qu'il était laid. Cela fit beaucoup rire la dame en blanc. Ce n'était pas risible pourtant. Mais voilà, elle riait de ce que je disais, ou bien elle ne m'écoutait pas parler. La dame en blanc avait ses deux défauts, sans compter un troisième qui me désespérait. Celui de pleurer, de pleurer, de pleurer. Ma mère m'avait dit que les grandes personnes ne pleuraient jamais. Ah, c'est qu'elle n'avait pas vu comme moi la dame en blanc, tombée de côté sur un fauteuil, une lettre ouverte sur ses genoux, la tête renversée et son mouchoir sur les yeux. Cette lettre, je parierais aujourd'hui que c'était une lettre anonyme, lui faisait bien de la peine. C'était dommage, car elle savait si bien lire. Ces deux visites me donnèrent l'idée de la demander en mariage. Elle me dit qu'elle avait un grand mari en Chine, qu'elle en aurait un petit sur le quai Malaquais. Ce fut arrangé et elle me donna un gâteau. Mais le monsieur au favori noir revenait bien souvent. Un jour que la dame en blanc me contait qu'elle ferait venir pour moi de Chine des poissons bleus avec une ligne pour les pêcher, il se fit annoncer et fut reçu. À la façon dont nous nous regardâmes, il était clair que nous ne nous aimions pas. La dame en blanc lui dit que sa tante, elle voulait dire la dame en noir, était allée faire une emplette aux deux magots. Je voyais les deux magots sur la cheminée et je ne concevais pas qu'il fallût sortir pour leur acheter quoi que ce fût. Mais il se présente tous les jours des choses si difficiles à comprendre. Le monsieur ne parut nullement affligé de l'absence de la dame en noir et il dit à la dame en blanc qu'il voulait lui parler sérieusement. Elle s'arrangea avec coquetterie dans sa causeuse et lui fit signe qu'elle l'écoutait. Cependant, il me regardait et semblait embarrassé. « Il est très gentil, ce petit garçon, » dit-il enfin, en me passant la main sur la tête. « Mais c'est mon petit mari, » dit la dame en blanc. « Eh bien, » reprit le monsieur, « ne pourriez-vous le renvoyer à sa mère? Ce que j'ai à vous dire ne doit être entendu que de vous. » Elle lui céda. « Chérie, » me dit-elle, « va jouer dans la salle à manger et ne reviens que quand je t'appellerai. Va, chérie. » J'y allais le cœur gros. Elle était pourtant très curieuse, la salle à manger, à cause d'un tableau à horloge qui représentait une montagne au bord de la mer avec une église sous un ciel bleu. Et quand l'heure sonnait, un navire s'agitait sur les flots, une locomotive avec ses voitures sortait d'un tunnel et un ballon s'élevait dans les airs. Mais quand l'âme est triste, rien ne peut lui sourire. D'ailleurs, le tableau à horloge restait immobile. Il paraît que la locomotive, le navire et le ballon ne partaient que toutes les heures. Et c'est long, une heure. Du moins, ce l'était en ce temps-là. Par bonheur, la cuisinière vint chercher quelque chose dans le buffet et, me voyant tout triste, me donna des confitures qui charmèrent les peines de mon cœur. Mais quand je n'eus plus de confitures, je retombai dans le chagrin. Bien que le tableau à horloge n'eût pas encore sonné, je me figurais que des heures et des heures s'amoncelaient sur ma triste solitude. Par moments, il me venait de la chambre voisine quelques éclats de la voix du monsieur. Il suppliait la dame en blanc, puis il semblait en colère contre elle. C'était bien fait, mais n'en finirait-il donc jamais? Je m'aplatis le nez contre les vitres, je tirai des crins aux chaises, j'agrandis les trous du papier de tenture, j'arrachai les franges des rideaux. Que sais-je? L'ennui est une terrible chose. Enfin, n'y pouvant plus tenir, je m'avançai sans bruit jusqu'à la porte qui donnait accès dans la chambre magot et je haussai le bras pour atteindre le bouton. Je savais bien que je faisais une action indiscrète et mauvaise, mais cela même me donnait une espèce d'orgueil. J'ouvris la porte et je trouvai la dame en blanc debout contre la cheminée. Le monsieur à genoux à ses pieds ouvrait de grands bras comme pour la prendre. Il était plus rouge qu'une crête de coq, les yeux lui sortaient de la tête. Peut-on se mettre dans un état pareil? Cessez, monsieur, disait la dame en blanc, qui était plus rose que de coutume et très agitée. Cessez, puisque vous me dites que vous m'aimez. Cessez, et ne me faites pas regretter. Et elle avait l'air de le craindre et d'être à bout de force. Il se releva vite en me voyant, et je crois bien qu'il eut un moment l'idée de me jeter par la fenêtre. Mais elle, au lieu de me gronder, comme je m'y attendais, me serra dans ses bras en m'appelant son chéri. M'ayant emporté sur le canapé, elle pleura longuement et doucement sur ma joue. Nous étions seuls. Je lui dis pour la consoler que le monsieur au favori était un vilain homme, et qu'elle n'aurait pas de chagrin si elle était restée seule avec moi, comme c'était convenu. Mais c'est égal, je trouvais que les grandes personnes étaient quelquefois bien drôles. À peine étions-nous remis que la dame en noir entra avec des paquets. Elle demanda s'il n'était venu personne. « Monsieur Arnould est venu, » répondit tranquillement la dame en blanc, « mais il n'est resté qu'une seconde. » Pour cela, je savais bien que c'était un mensonge. Mais le bon génie de la dame en blanc, qui sans doute était avec moi depuis quelques instants, me mit son doigt invisible sur la bouche. Je ne revis plus Monsieur Arnould, et mes amours avec la dame en blanc ne furent plus troublés. C'est pourquoi, sans doute, je n'en ai pas gardé le souvenir. Hier encore, c'est-à-dire après plus de 30 ans, je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Hier, j'allais au bal du ministre des Affaires étrangères. Je suis de l'avis de Lord Palmerston, qui disait que la vie serait supportable sans les plaisirs. Mon travail quotidien n'excède ni mes forces ni mon intelligence, et j'ai pu parvenir à m'y intéresser. Ce sont les réceptions officielles qui m'accablent. Je savais qu'il serait fastidieux et inutile d'aller au bal du ministre. Je le savais et j'y allais parce qu'il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir d'une façon absurde. À peine étais-je entré dans le grand salon qu'on annonça l'ambassadeur de et madame. J'avais rencontré plusieurs fois l'ambassadeur dont la figure fine porte l'empreinte de fatigue qui ne sont point toutes dues aux travaux de la diplomatie. Il eut, dit-on, une jeunesse orageuse, et il court sur son compte, dans les réunions d'hommes, plusieurs anecdotes galantes. Son séjour en Chine, il y a 30 ans, est particulièrement riche en aventures, qu'on aime à compter à huis clos, en prenant le café. Sa femme, que je n'avais pas l'honneur de connaître, me sembla passer la 50aine. Elle était tout en noir. De magnifiques dentelles enveloppaient admirablement sa beauté passée, dont l'ombre s'entrevoyait encore. je fus heureux de lui être présenté, car j'estime infiniment la conversation des femmes âgées. Nous causâmes de mille choses au son des violons qui faisaient danser les jeunes femmes, et elle en vint à me parler par hasard du temps où elle logeait dans un vieil hôtel du quai Malaquais. « Vous étiez la dame en blanc !» m'écriai-je. « En effet, monsieur, me dit-elle, je m'habillais toujours en blanc. Et moi, madame, j'étais votre petit mari. Quoi, monsieur, vous êtes le fils de cet excellent docteur Nozière ? Vous aimiez beaucoup les gâteaux. Les aimez-vous encore ? Venez donc en manger chez nous. Nous avons, tous les samedis, un petit thé intime. Comme on se retrouve ? Et la dame en noir ? C'est moi qui suis aujourd'hui la dame en noir. Ma pauvre tante est morte l'année de la guerre. Dans les derniers temps de sa vie, elle parlait souvent de vous. Tandis que nous causions ainsi, un monsieur à moustache et à favoris blancs salua respectueusement l'ambassadrice avec toutes les grâces raides d'un vieux beau. Il me semblait bien reconnaître son menton. « Monsieur Arnould, me dit-elle, un vieil ami. » Fin du chapitre 2 « La dame en blanc » du livre de mon ami d'Anatole France.